Dieu est bon pour Israël, pour ceux dont le cœur est pur. M'aimais pas à les fléchir, j'étais prêt de trébucher, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Ils n'ont point de tourment jusqu'à leur mort, leur corps est chargé d'embonpoint. Ils ne connaissent pas les peines humaines, ils sont exempts des fléaux. L'orgueil leur sert de collier, la violence est leur manteau. Ils parlent avec arrogance, ils menacent les cieux de leur bouche, et leurs paroles parcourent la terre. Mais quand j'ai réfléchi pour comprendre, la chose fut pénible à mes yeux, jusqu'au jour où j'entrais dans le sanctuaire et je compris leur fin. Mais quand j'ai réfléchi pour comprendre, la chose fut pénible à mes yeux, jusqu'au jour où j'entrais dans le sanctuaire et je compris leur fin. Tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber dans la ruine. Ils sont détruits en un instant, anéantis par une fin soudaine. Quand mon cœur s'est grissé en moi, j'étais comme une bête devant toi, mais je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, et tu me recevras dans la gloire. Si ce n'est toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent faillir, Dieu sera toujours mon rocher. Pour moi m'approcher de Dieu est mon bien, je place en lui tout mon refuge. Pour moi m'approcher de Dieu est mon bien, je place en lui tout mon refuge. Pour moi m'approcher de Dieu est mon bien, je place en lui tout mon refuge. Pour moi m'approcher de Dieu est mon bien, je place en lui tout mon refuge.